Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Rocky. Daniel nous offrira quelque chose de bien divertissant dans Tania Grenade du Génia. Et la semaine de relâche nous empêchera pas d'apprendre avec la chronique éducative, c'est un fait. Assemblage Rocky commence tout de suite. Assemblage Rocky pour toi, aujourd'hui. Assemblage Rocky pour toi, aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à l'Assemblage Rocky en ce lundi 6 mars 2017 à 52 jours de la fin de l'année scolaire. On est en direct des studios de CIFO à Trois-Rivières et je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Salut Tania, ça va? Ça va très bien. Oui, OK, m'a pogné juste avant le début de l'émission. J'ai comme cru remarquer qu'il se passait quelque chose de ton bord. Attends. Non, il est parti, je pense. Ah, OK. Quand je tousse comme ça, ça fait sortir la roquette. Ah ouais? Ouais, c'est bizarre. Vraiment? Bref. Hey, aujourd'hui, on a une pensée pour les gens qui se fient aux apparences. Oui, exactement comme moi ce matin, qui croyait qu'il allait faire chaud parce qu'il faisait soleil. Mais non, c'est faux. Mais non. C'est faux. Il fait frais. Est-ce que je regarde d'ici, est-ce qu'il fait 17 degrés dans le studio? Oui, exactement. Présentement, on gèle dans le studio. Wow! Ça n'a aucun bon sens. J'ai jamais vu ça, 17 degrés. Ouais, exactement. Wow. C'était la météo pour moi, c'est fou. Mais peut-être que le chauffage a été coupé, tu sais, c'est la semaine de relâche. Ah, oh, j'avais pas pensé à ça, mais t'es vraiment futé ce matin. Ah, c'est exactement ça, c'est clair. Bref, 52 jours avant la fin de l'année scolaire, ça veut dire que dans deux jours, il va rester 50 jours, puis ça ressemble à un blitz final. Ça ressemble pas mal à ça, c'est vrai, hein? C'est vrai que c'est la semaine de relâche, donc peu de chroniqueurs vont être avec nous. Par contre, j'ai eu quelques petites confirmations. On sait que Justine Renaud va être là. Oui. Sébastien Evgartin va être là aussi. On vient d'entendre il y a quelques instants dans Prérequis que Xavier McLeish ne sera pas là et Alfalfa Lutin non plus. Exactement. Voilà. Quoi d'autre? À date, qu'est-ce qu'on sait? Pas grand-chose. Lasagna n'est pas là non plus. Qu'est-ce qui reste? C'est pas mal tout. Ça va être une semaine de toi et moi. Ouais, ouais. Alors, David Ferron va être là ce soir. On va bien s'occuper de vous, inquiétez-vous. Ah, absolument. On va avoir du fun. Aujourd'hui, l'émission, tiens, justement, parlant de toi et moi, ça va ressembler à ça pas mal. Mm-hmm. Pas de sport aujourd'hui, malheureusement, pas de sport effiloché, mais Thalia Sgolantourinia s'en vient plus tard. Qu'est-ce que tu nous prépares? Je vais vous parler d'attirance ce matin. Ouh, les phéromones. Mais je vous dis pas quel genre d'attirance. OK, j'ai hâte de voir ça. Donc, ça, c'est vers les 8h quelques. Vers la fin de l'émission, on va faire du c'est un fait. Pour le reste, c'est pas parce que c'est la semaine de relâche qu'on doit arrêter d'apprendre, même que je pense qu'on devrait apprendre plus. Parce oui. que c'est une semaine comme de travaux et d'études. Oui, exactement. La deuxième, c'est vraiment une semaine de relâche. Hein? Ça, je sais pas. Je sais pas. Celle de l'hiver. Tu sais, il y a beaucoup de gens. Ben, en fait, quand t'arrives au point de l'université, tes relâches, tu sais, c'est genre, c'est des fausses relâches. Ouais. Ils disent que c'est des relâches. C'est pas vrai! Fake news! Ce sont des fausses nouvelles! Alors, on va commencer avec son foutu palmarès parce que c'est le début du mois de mars. En fait, c'est la première semaine complète du mois de mars en ce moment. Donc, on va se clencher quelques fêtes bizarres à célébrer au mois de mars. Mais avant ça, une pièce très glauque, je trouve. Ah ouais? Très grotte. OK. Très fond de, je sais pas trop, de dégoût. OK. Ah, oh, ben oui! Okay. Ben oui, ben oui, Tania. Ouais. Ben oui. C'est Sewer Blues. Voici Timber. Assemblage requis. I'll surrender to the fume. stretched out in forgotten now. I'll go away. Burton Murray, Sewer Blues à Assemblage Rookie sur CFOU 89 FM. Maintenant, c'est le moment de se lister les choses. Là. Mm-hmm. Oh, oui. Oh oui, c'est son foutu palmarès. Jusqu'à ce que je tombe sur sa liste. J'étais numéro 2. J'ai entamé. Cette chronique-là est tellement longue qu'on a réussi à gagner un degré dans le studio. On est en tête de suite. C'est à cause des mouvements que je faisais. De danse sur l'intro. Oui, 18 degrés dans nos studios. Oui, Celsius. C'est ça. Oui. Bref. Pas chaud les garlots. Hey boy, hein, tu te fais pousser les garlots juste pour pas avoir chaud là. Oui, c'est ça, en tout cas, oui. Donc, son foutu palmarès, c'est la chronique où on établit une liste sur un sujet plus ou moins précis. Et comme toujours, c'est le début du mois, c'est la première semaine complète du mois de mars. Donc, on va célébrer quelques fêtes. Ok, oui. Hétéroclites, des fêtes qui n'ont pas vraiment rapport. Là, si vous aimez les petits animaux cute, la nourriture peut-être. Ouais. Hein? Mars est le mois pour vous. Commençons par le 1er mars, c'est la journée nationale du cochon. Ah, pour vrai? C'est vraiment cute, un cochon. Ok, est-ce que tu peux manger du bacon? Ah ben là! Ou? Je bosse. C'est la journée pour célébrer, alors t'as pas le droit. Sûrement du bacon de dingue. Ah! Sûrement. Pas fou. 5 mars, ah, la journée nationale de la poutine. Ça, je pense qu'on l'a entendu parler pas mal. Ouais, c'est la semaine de la poutine à Montréal, je pense, cette semaine en plus. Je crois bien que oui, absolument. Donc, on accueille ça avec bonheur et fierté. Ça veut dire qu'on mange la poutine à midi? Non, Oh, et je pense que je viens d'allumer ma tuque. Parce que je pense qu'ils n'ont pas de. Je sais pas s'ils ont des repas du jour pendant la semaine de relâche, mais sûrement qu'il y a des poutines. Je sais pas, hein. Va falloir aller voir. On va devoir aller voir. Ah, quoi que c'est les nouveaux menus de la chasse-galerie à partir d'aujourd'hui, sûrement. Ouais. Ensuite, c'est le 8 mars, c'est la journée nationale des corrections. National Proof Reading Day. le crayon rouge pour marquer les erreurs. Mais oui, c'est peut-être parce que c'est justement la relâche, fait que les professeurs ont le temps. De corriger les examens, absolument. Exact. Le 13 mars, c'est la journée nationale d'ouvrir un parapluie à l'intérieur. Ah! Ah ouais, faire face aux superstitions, là. Ben ouais. Ouvrir un parapluie à l'intérieur et vous protéger de la mauvaise chance qui pourrait en suivre. Ensuite, le 15 mars, la journée de Brutus. Ça, c'est la trahison, là, dans... Oui, c'est dans quoi, oui, déjà? Oui. C'est dans... La Bible? Ouais, ça, c'est pour moi? Ouais, ouais, sûrement. Ben, il me semble. Ouais. En tout cas, si on se fie à la photo, ça semble être dans la Bible. Je vais juste aller me renseigner un minimum avant de le dire. Marcus Junius Brutus, un sénateur romain, juriste et philosophe de la fin de la République, fils de Servilia, est la maîtresse de Jules César, auquel il porta le dernier coup en le poignardant le 15 mars 44 avant J.C. Brutus possède à la fois l'image du traître par excellence pour sa participation à la mort de César, qui lui avait pardonné son adhésion au parti de Pompée, et celle d'un homme vertueux qui préféra toujours le salut de la République au sien. Pas pire, hein? Donc c'est pas la Bible. Le 15 mars, la journée des vraies confessions. OK. Hein, donc c'est la journée où on confesse nos secrets les plus sombres. Ben ouais. Le 16 mars, c'est la journée du curlew. C'est un oiseau, c'est le curlew. On va aller voir en français qu'est-ce que ça veut dire. Le curlew. J'aime juste ça le dire, moi. Ah, c'est ça, hein? Donc, on nous dit que c'est le courli en français. Ah. C'est comme l'émission, là, à VRAC TV, à courli. pareil. Donc, les courlis, c'est des oiseaux qui vivent en Amérique du Nord, dans les parties centrales et de l'Ouest. Et donc, ils ont leur propre journée. Le 16 mars, c'est la journée de l'appréciation des lèvres. Ah! Donnez-leur un petit peu d'attention. Oh, j'aime ton... Ah! Ouais, il y a eu un... Une petite aiguë dedans. Toi aussi, t'as remarqué. Ouais. Le 18 mars, c'est la journée de jouer de la flûte. C'est l'instrument dont on jouait quand on était jeune, mais qu'on n'a jamais continué. Ah, mon Dieu, hein? Ouais, j'ai jamais compris. Tu sais, les cours de musique au primaire, c'est pénible! Pour apprendre les notes, peut-être, là. Ouais. Mais sinon, pourquoi apprendre la mais, flûte? Mais, tu sais, je pense que je préférais le xylophone à j'allais la flûte. J'allais le dire, oui, ou la cloche à vache, mais ça, c'est oui, aussi. Ouais. Les cymbales, si t'étais gentil pendant un cours, ouais. C'est toi qui avais le droit de faire les cymbales. Les castagnettes. Oh, les castagnettes, oui. Ensuite, c'est le 20 mars, c'est la journée « Won't you be my neighbor » en l'honneur de Fred Rogers, le Mr. Rogers Neighborhood, une émission de télé pour enfants. Il est né le 20 mars 1928 et c'est donc l'occasion de se rappeler de cette vedette de la télé et lui rendre hommage. Le 22 novembre, c'est la journée nationale du niaisage « Goof Off Day ». Relaxez, prenez une pause. Faites ce que vous voulez à votre bureau ou peu importe. En niaisant. Le 23 mars, la journée nationale du tamale. Le 23 mars, oui, donc c'est un peu comme pour accompagner les Taco Tuesdays. OK. On va appeler ça les Tamale Thursdays. Les tamales, évidemment, je crois que c'est mexicain. OK. Attends un petit peu, c'est la... Non, je veux pas la capitale de la région du nord du Ghana. Non. Le tamal en français, une papillote amérindienne. Oh! Très hispanique, elle aurait plus de 5000 ans. Le tamal, okay. Ouais, veut dire entouré. C'est un nom générique donné à plusieurs plats américains d'origine indigène. Il est généralement cuit à la vapeur, entouré dans des feuilles de l'épi de la même plante de maïs. Les tamales sont préparés à partir de pâtes de farine de maïs, de l'huile ou du saindoux au Mexique et au Guatemala. Alors, je n'avais pas tort quand je dis mexicain. La pâte est étalée dans des feuilles d'épi de maïs ou des feuilles de bananier. On ajoute ensuite une farce qui peut être salée ou sucrée. Le tout est enveloppé dans la feuille support, puis cuit à la vapeur. Delicioso. Ensuite, que j'aime donc ça, mais en même temps pas cru, je trouve. J'ai essayé cru, je pensais que ça allait être bon. Des pécanes. Cru, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais, juste la noix, là. Ouais. Pas c'est dans bon. Des tartes. OK. Pécanes, miam. Pis t'as pas aimé c'est ça? C'est les tartes que j'aime pas, les pécanes. OK. Oui. Donc, le 25 mars, c'est la journée des pécanes. Voilà. Ensuite, le 25 mars, c'est la journée où on lit Tolkien. Tu connais le Hobbit? Oui. Le Seigneur des Anneaux. Oui. Donc, c'est une fête annuelle démarrée par The Tolkien Society en 2003, qui vous donne donc une bonne excuse de commencer à lire la série de livres, la saga au complet, soit pour la première fois, soit de nouveau. C'est aussi la journée pour célébrer le jour de naissance de Tania Baudin. Ah oui? Oh, ben félicitations! 25 mars à retenir. Ouais, exactement. La mienne, c'est le 17, je l'ai sauté parce que moi, je suis un petit peu plus humble. C'est vrai? Ouais. 30... Ah! Mais non, mais je sais que le 25 mars, on travaille pas. Ah! Oh! Donc, c'est juste pour ça. C'est un samedi. Exactement. Félicitations. La mienne, c'est un vendredi. Ouais, tu vois. C'est un vendredi. Est-ce que c'est un vendredi de congé? Oui! Mm-hmm. Yeah. 30 mars. Oh, c'est la journée. Le gazon est toujours plus brun de l'autre côté de la clôture. Donc, pour te comparer en bien à tes voisins, pour dire, ouais, ah, OK, okay, bon. Ouais. Ils ont ci, ils ont ça, ils ont ça. J'aime pas ça. Moi, je suis mieux. T'sais. Évidemment. Donc, ce sont les événements, les fêtes louches à célébrer pour le mois de mars. Continuons avec les anniversaires maintenant. 10 personnes célèbres. On va peut-être mentionner quelqu'un qu'on avait mentionné plus tôt dans la chronique. Donc, commençons avec notre liste. Commençons, oui, avec Jean Harlow, née le 3 mars. Elle a des beaux sourcils. Ils sont très minces, ces sourcils. Hein. Née en 1911, le 3 mars. Donc, c'est une actrice qui est devenue une vedette dans le Hollywood des années 1930, où elle a gagné le surnom, The Blonde Bombshell, la bombe blonde. Elle avait des petits rôles dans des films à partir de 1928, mais elle est devenue célèbre quand elle est apparue dans le film de Howard Hughes en 1930, Hell's Angels. Elle était toujours adolescente. C'est à peu près ça. Elle avait un très lourd accent norvégien. Ah, oh, ouais? Ouais. Hey, man. Moi, je trouve qu'elle ressemble un peu à Marilyn Monroe. Je me trompe ici. Donc, Hughes travaillait sur un film depuis quelques temps avec l'actrice Greta Neeson, mais en 1927, The Jazz Singer a amené la technologie du son au film. Donc, Hughes a décidé que Hell's Angels allait être un film parlant et Neeson avait un accent norvégien. Donc, elle a été abandonnée de la production et c'est Harlow qui a pris sa place. Voilà. Harlow a été la vedette de 43 films, mais sa carrière a quand même été brève. Elle est morte en 1937 à l'âge de 26 ans seulement. Qu'est-ce que t'as dit sur elle qui était... Qu'elle ressemblait à Marilyn Monroe. C'est vrai, c'est un fait. Ensuite, Elizabeth Barrett Browning, qui est née le 6 mars 1806, qui a l'air assez épeurante et elle ressemble à un caniche, je trouve, sur sa photo. Tu trouves pas? Oui. Poète anglaise Elizabeth Barrett Browning, qui a commencé à écrire de la poésie quand elle a appris à écrire à l'âge de 4 ans. Ah, quand même. Son poème qu'on pourrait connaître le plus est Sonnet 43, aussi connu sous le nom de How Do I Love Thee? Ah, OK. Mais elle a eu une grande influence sur des poètes comme Emily Dickinson et son ami Edgar Allan Poe. Browning était accro aux opioïdes, donc le laudanum, qu'elle a commencé à prendre à l'âge de 15 ans après une blessure. Tu sais, les antidouleurs, comment ça peut créer une dépendance. Mm-hmm. Avant de rencontrer son futur mari, le poète Robert Browning, elle prenait 40 gouttes de laudanum par jour. Hey. Ensuite, Gabriel Garcia Marquez est né le 6 mars 1927. C'est l'auteur de Love in the Time of Cholera, qui était un jeune journaliste pour un journal dans sa Colombie native. Il écrivait des romans dans ses temps libres. Il a écrit un livre sur des marins colombiens. C'est ça. Plus tard, il a travaillé comme journaliste à Cuba et aux États-Unis. Il vivait en 1967 quand son roman qui l'a rendu populaire, 100 Years of Solitude, a été publié. Et pendant les décennies à venir, ses romans racontaient des histoires de personnages affectés par la politique, la culture et l'histoire. Garcia Marquez a reçu le prix de la littérature, le prix Nobel en 1982. Oui. Hmm. Ensuite, on connaît surtout son nom, je pense, Jack Kerouac. Le 12 mars 1922, c'est là qu'il est né. Donc, c'est un auteur qui a abandonné l'université à Columbia en 1941 après avoir eu une blessure qui a arrêté sa carrière de football. Il a passé 10 jours dans les Marine Corps en 1942 et ensuite il est revenu à New York où il a rencontré les écrivains en devenir Allen Ginsberg et William S. Burroughs. Il écrivait de façon continue, mais il a pas fait assez d'argent avant 1957 où il a son roman On the Road qui a été publié 6 ans après qu'il l'ait écrit. C'est souvent le même. C'est souvent le même. Et c'était son livre le plus connu. Il a continué d'écrire après ça, par contre. Ce qu'on pourrait ne pas savoir, c'est que Kerouac était obsédé du fantasy baseball. Ah, okay. Donc, tu sais, quand tu te fais une ligue pas imaginaire, là, mais c'est toi qui choisis tes joueurs, etc., etc. Il a même inventé sa propre version. Il avait créé une série de cartes avec des équipes, des diagrammes et des résultats possibles. Donc, il imaginait ses parties lui-même. Ensuite, Albert Einstein... Mm-hmm. Peut-être connaissez-vous le nom, né le 14 mars 1879. Donc sa fête est facile à se souvenir, en fait, parce que sa fête, le 14 mars, est aussi la journée de Pi, le 3-14 en anglais. 14-3 en français. Ouais. Donc le physicien a développé une théorie de la relativité et passé son enfance en Allemagne. Il a quitté l'Europe quand Hitler a pris le pouvoir en 1933. Il est devenu un citoyen américain en 1940. Quand il était jeune, il avait quelques problèmes avec l'autorité à l'école. On dit qu'en fait, il y a une légende qui disait qu'il avait de mauvaises notes, mais ça, c'est pas vrai apparemment. La rumeur est venue parce que l'école où il allait avait changé de système de grade, donc les notes, là, les lettres et tout. Donc, dans une Donc, dans une façon de faire, sa note était sur une échelle de 1 à 6, avec 6 qui était la meilleure note. Mais ensuite, la prochaine session, l'échelle a été renversée et un 6 est devenu la meilleure note. Uh-huh. En tout cas, bref, ça a été comme inversé. Et les historiens amateurs sont à blâmer pour ce mélange. Ouais. Ouais. OK, c'est ça. Dans la première version, le 1 était la meilleure note et après ça, c'était le 6. Ouais, exact. Ensuite, Edith North Rogers est née le 19 mars 1881. C'était une des premières femmes à avoir servi au Congrès américain. Donc, une longue carrière. Elle était bénévole infirmière au YMCA, à la Croix-Rouge et au Walter Reed Army Medical Center pendant la Première Guerre mondiale. Et en 1922, le président Warren G. Harding l'a nommée à cette position-là pour qu'elle visite des vétérans et qu'elle inspecte des hôpitaux militaires. Donc, c'est à peu près ça. Ouais. Mm-hmm. Ensuite, Fred Rogers, on en a parlé tantôt, est né le 20 mars 1928. Il a travaillé à la télé entre 1951 et sa mort en 2003. 33 de ces années-là ont été passées à animer Mr. Rogers' Neighborhood. Donc, plusieurs générations ont grandi avec lui. Étrangement, il est allé en télévision parce qu'il détestait ça. En fait, on dit que Rogers détestait la banalité et la violence à la télé. Il voulait utiliser le médium comme façon de promouvoir l'éducation et la compréhension. Il était aussi... Il a encouragé énormément la télévision publique. Il a témoigné devant le Congrès au sujet du potentiel de la télé pour créer des citoyens plus productifs. Cool. Intéressant. Ouais. Ensuite, en musique classique, c'est Johann Sebastian Bach, est né le 21 mars 1685. Compositeur allemand renommé pour son don à l'orgue. Pendant sa vie, plusieurs de ses compositions, oui, ont été reconnues en fait seulement après sa mort. Bach a eu plusieurs positions pendant sa carrière. En 1708, il a commencé à travailler comme musicien pour le duc de Sachsen-Weimar. En 5 ans, il était finaliste pour une promotion pour directeur de la musique, donc Kapellmeister. Bach a été skippé, si on veut, en l'honneur du fils du directeur qui était en train de prendre sa retraite. Donc, il a nominé son propre fils et ça a tellement fâché Bach qu'il a quitté pour aller voir ailleurs. Le duc de Sachsen-Weimar était tellement fâché d'avoir perdu son joueur d'orgue qu'il a mis Bach en prison pendant 30 jours. Ooh. Et Bach a utilisé évidemment ce temps-là pour écrire plus de musique. Ben oui, évidemment. C'est bien logique. Ensuite, Flannery O'Connor est né le 25 mars 1925. Qui est-ce? Née à Savannah, en Géorgie, Mary Flannery O'Connor a écrit deux romans et 32 courtes histoires. Plusieurs sont considérés comme des exemples du style gothique du Sud, Southern Gothic. Elle est morte à l'âge de 39 ans. Elle était très prolifique. Elle gardait un journal intime. Une collection de correspondances de sa part est sortie en 2007. O'Connor a été diagnostiquée de lupus, avec le lupus en 1952. Et après avoir vécu en Iowa et au Connecticut, elle est retournée dans sa famille, sur la ferme, pour vivre les 12 dernières années de sa vie. Là-bas, elle a élevé 100 pans, les pans, Exactement. Et O'Connor a été fasciné par ces oiseaux-là. Elle a même utilisé des pans pour représenter le Christ dans ses travaux, ses livres. Et pour terminer, Patti Smith Hill est née le 27 mars 1868. En collaboration avec sa sœur Mildred Hill, elle a écrit possiblement la chanson la plus connue dans le monde, Happy Birthday. C'est elle qui a écrit ça? Oui. Patti était donc était la directrice de la Louisville Experimental Kindergarten School à ce moment-là, c'était en 1893. Elle a écrit les paroles alors que Mildred a écrit la musique. La chanson à l'origine s'appelait Good Morning to All, mais Hill a adapté les paroles pour d'autres occasions, dont des fêtes. La chanson a eu une très très longue histoire de droits d'auteur et Hill blâmait ça sur la compagnie d'édition, de publication donc de sa chanson. Maintenant, la chanson est officiellement dans le domaine public. Donc, à partir de là, bien de récemment, là, on peut l'utiliser à bon escient. Avant, il fallait payer très, très cher pour l'utiliser dans des films. C'est pour ça qu'on entendait tout le temps « For he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow ». Qu'est-ce qu'on utilise en français à la place de « Bonne fête », des fois? « Joyeux anniversaire ». C'est pas mal la même chanson. Ouais. La même mélodie. Y en a-tu d'autres? Pas vraiment. Pas vraiment. En tout cas, moi, je n'en connais pas d'autres. Il y a celle de François Pérusse, là. Oui, mais non. Ensuite... Oui, c'est ça. Oui, mais non. Mais non. Peut-être, as-tu entendu parler de la gaffe des Oscars il y a peut-être une semaine et demie, hein? La gaffe des Oscars. Si j'en ai entendu parler. Oui. On n'a pas parlé ici, évidemment, parce que c'est pas notre domaine, mais voici une liste de 6 fois où le mauvais gagnant a été annoncé. Oh, aux Oscars ou juste dans la vie? En général, dans la vie. OK. Donc, après avoir regardé peut-être 4 heures d'Oscar, vous avez remarqué la gaffe qu'il y a eu. PricewaterhouseCoopers, qui sont les responsables et qui ont pris le blanc. Donc, retournons en 2015, évidemment, Miss Universe. Je pense qu'on n'a pas vraiment besoin de tourner en rond là-dessus. Non. Jimmy Kimmel qui blâmait Steve Harvey pour la gaffe des Oscars. Donc, c'était évidemment une référence à 2015, en décembre, qui est devenu le mime préféré de tout Internet quand il a nommé Miss Colombia Ariana Gutierrez dans le rôle de Miss Universe. Mais dans le fond, c'était Miss Philippines, Pia Wurzbach, qui avait vraiment gagné. Selon Jimmy Fallon, oui. Une entrevue à Jimmy Fallon, Madame Harvey a dit que c'était... Monsieur Harvey, pardon, a dit que c'était les 4 minutes les plus difficiles de sa vie. 4 minutes d'enfer. On recule en 2011 pour les BET Awards, un moment assez malaisant où Tiffany Green a reçu l'opportunité d'annoncer le gagnant du Viewer Choice Award. Donc, c'est une gagnante d'un concours. Là. Il y avait un concours pour présenter un prix aux BET Awards. Okay. Elle a annoncé que Chris Brown était le gagnant de l'année et ensuite a dû se corriger et annoncer qu'en fait, c'était l'ex de Brown, Rihanna, qui avait gagné. Oh mon Dieu! Wow! Et c'est Drake qui a accepté le prix de la part de Riri. Ouais. Ensuite... Oui. Il était déjà si près l'un de l'autre. Voilà. Ensuite, en 2010, Australia's Next Top Model. En 2010, avec une foule en direct devant public, donc l'animatrice de Australia's Next Top Model, Sarah Murdoch, a annoncé que Kelsey Martinovich avait gagné le titre de l'émission de télé-réalité. Il y a eu bien des larmes, évidemment. Je sais que Murdoch a dû interrompre le moment joyeux pour s'excuser. En fait, c'était Amanda Ware qui avait été la gagnante. Elle a dit, je cite, « Je ne sais pas quoi dire en ce moment. » Et la foule confuse complètement devant elle. Elle a dit, « Je me sens malade, je m'excuse tellement. Oh mon Dieu, je ne sais pas quoi dire. C'est un accident total. Je m'excuse. C'est Amanda. C'est moi qui a mal lu. » Mal lu. Tu sais, Amanda Ware et Kelsey Martinovich, pas nécessairement deux noms qui se ressemblent. Ben, tu sais. Mais j'imagine que c'est écrit genre « runner-up ». T'as tout le temps genre runner-up, d'écrire en premier, puis c'est le gagnant. Peut-être. Bon. Ensuite, en 2009, les Energy Music Awards. Oui. Donc, un cas de mauvaise traduction, apparemment. En 2009, Katy Perry a accepté le prix pour meilleure chanson internationale pour I Kissed a Girl aux NRJ Awards à Cannes, en France. Alors, c'est français, donc c'est vraiment les Energy Awards. Ils sont de même, les Français. Ouais. Bref, malheureusement, c'était pas supposé être Perry. En fait, c'était supposé être Rihanna et la chanson Disturbia. Mais heureusement, Perry n'est pas partie à la maison les mains vides. Elle a gagné de façon légitime meilleur album international pour One of the Boys au même événement. Ensuite, en 2002, les MTV Video Music Awards. Michael Jackson a gagné pour Artiste du millénaire aux 2002 VMAs. C'était pas une erreur tellement qu'une mauvaise compréhension. L'événement tombait exactement sur la fête du King of Pop. Britney Spears devait lui présenter un gâteau super complexe pour marquer l'occasion. Elle a fait référence à MJ comme Artiste du millénaire, mais comme ça. Elle a juste dit ça comme ça, Artiste du millénaire. Ah non. Alors que le prix Artist of the Millennium était un prix qui n'existait pas. Donc, lui, il pensait qu'il avait gagné un prix. Ah non! Tu comprends? Mais c'était juste genre qu'elle a nommé comme ça prix l'artiste du millénaire. Fait que lui, il est sorti pour aller chercher son prix. Ben, genre. Mais c'était juste pour célébrer Parler sa fête. Lui. C'est pour célébrer sa fête. Donc, oh my God. C'est pas un prix qu'il recevait en tant que tel. Bon. Ensuite, ben ça, je sais pas si ça compte vraiment, mais c'était un grand titre de journal, Dewey Defeats Truman en 1948. Donc, tu sais, quand on dit des fois « Arrêtez les presses! » Oui. Donc, c'était en l'honneur de ça, parce qu'à l'élection présidentielle de 1948, le Chicago Daily Tribune a mis sur sa première page un grand titre qui disait que Dewey avait battu Truman, mais la vérité, c'était le contraire. Oh! Heureusement, le président Truman a trouvé ça très, très drôle et a posé pour des photos avec le journal dans les mains. C'est ça l'affaire avec les dates de tombée, hein? Ouais. Les heures de tombée. En effet. Ça arrive, il est rendu tard. Faut que tu mettes de quoi sur ta une, faut que tu l'envoies l'impression et finalement, ben, tu prends un guess, tu te dis « Ah, tu sais, il est tellement d'avance. » Mais non. Voilà, c'est tout pour ces 3 listes dans son foutu palmarès. Les liens sont sur assemblagerequis.com. Note de l'émission numéro 1076. Alors, on prend une pause au retour, Tania. It's gonna enter Tania. Okay, oh, oui. Aujourd'hui. C'est fou! 89. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Toujours retour à Assemblage Rocky en ce lundi 6 mars 2017 avec Tania Bonin. Et Mathieu Plante. Dans quelques instants, Tania est gonna entertainer, mais avant ça, on se fera une petite pièce musicale pour se réchauffer un peu. Oh hein. Oui, s'il vous plaît, juste se réchauffer, là, ça va faire du bien. Toujours 18 en studio. Hein. Ouais, ouais, ouais, 18. On vous avertit si ça monte. Le thermostat censé être à 32. Oui, c'est vrai. Fait 18. Mais bref, une chose que vous avez le contrôle, vous, sur votre chauffage. Ouais, c'est ça. On écoute Mardi Noir, voici des jours et des mois. Assemblage Rocky. Par Mardi Noir en ce lundi ensoleillé. Justement, parlant du soleil de notre journée, c'est l'heure de Tania is gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna entertain ya. She's gonna entertain. Oh mon dieu. Tania, mais t'as fait tes étirements de cou. Ouais, c'est craqué le dos. J'essayais de me réchauffer un petit peu. Ouais. Avec le thème musical. T'as pourtant ta petite laine. Oui, oui, oui. J'ai mis mon fleur autour de moi, au lieu de juste dans mon cou. C'est ça. Ça vous donne une idée. Donc aujourd'hui, je pense que tu nous parles de relations et de rapprochement, quelque chose comme ça. Tu vas voir, je vous parle en fait d'attirance ce matin. Et je vous explique un petit peu pourquoi c'est drôle. Tout ça découle d'une publicité que j'ai vue à la télévision. Ah. Parce qu'en fait, il y a un porte-parole de résidence pour personnes âgées que j'envie vraiment beaucoup. Ben voyons. Ben oui, parce que j'ai toujours rêvé de pouvoir être porte-parole pour des personnes âgées. Certaines personnes le savent. J'ai vraiment une grande admiration envers les personnes âgées qui vivent, là. Ouais, même qui sont décédées, là. J'ai une attirance non sexuelle envers les personnes âgées. C'est bien, genre, je les aime d'amour, là. Puis je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça vient, mais ça m'a fait réfléchir à justement le nom qu'on pourrait donner à quelqu'un qui a une attirance pour les personnes âgées. Non sexuellement. Parce que, en fait, ben c'est. Tu viens de scraper. Mais oui, ça fonctionne en fait parce que je vous parle d'attirance ce matin, mais j'aurais pas le choix de vous parler d'attirance sexuelle. Okay. Parce qu'en fait, du moment que tu n'as pas une attirance sexuelle, il n'y a pas de nom. Il faut absolument qu'il y ait une attirance sexuelle pour pouvoir définir une attirance envers quelqu'un. Donc, on connaît tous la pédophilie, par exemple, tu sais, qui est une attirance sexuelle d'un adulte envers un enfant prépubère, donc quelqu'un qui n'a pas encore eu sa puberté. Mais certains adolescents qui ont 16 ou 18 ans peuvent aussi avoir une attirance sexuelle pour quelqu'un de plus jeune. Donc, ça devient de la pédophilie à ce moment-là s'il y a 5 ans de différence. Okay. Sauf que ce qui est important à se remémorer, c'est que c'est les enfants prépubères, donc ceux qui n'ont pas encore passé justement cette puberté-là, qui sont visés par la pédophilie. Sinon, vous êtes A1. Pas nécessairement A1, vous êtes peut-être juste aussi dégueulasse. Mais bon. Donc, dans la société moderne, il y a le type de différence qui est considéré comme une perversion sexuelle et les activités qui se rapportent, bien évidemment. La pédophilie, on la connaît. On sait à quoi ça ressemble. Et dans le langage courant, le terme pédophilie, c'est souvent utilisé aussi pour désigner les abus sexuels sur les mineurs dans leur ensemble, quand c'est pas nécessairement tout le temps le cas. Donc, quel que soit par ailleurs le diagnostic psychiatrique qui est émis sur les personnes qui commettent les faits, tu sais, c'est pas tout le temps nécessairement de la pédophilie. Mais bon, tout ça pour dire que il y a une attirance ou une préférence qui est automatiquement sexuelle. Et ça, on se dit, de toute façon, quelqu'un qui n'aurait pas une attirance sexuelle envers un enfant prépubère, ça se peut juste pas. T'as pas besoin d'en parler. Exactement, c'est ça. T'as mes enfants, c'est correct. Donc, t'as pas besoin de mettre un terme sur ça. Tu peux avoir un terme si t'es aimes pas, j'imagine. Exactement. Ouais. Tu deviens quelqu'un qui aime pas les enfants. Est-ce que t'as la pédophobie? Oh, peut-être, je sais pas, pédophobie, faudrait chercher. Mais hier, je suis tombée sur la désignation de ce que c'est que d'avoir une attirance sexuelle pour les personnes âgées. Mais là, il faut comprendre, là. Moi, j'ai pas d'attirance sexuelle pour les personnes âgées, mais malheureusement, seuls termes qui existent sont définis par l'attirance sexuelle. Donc, t'as pas le choix, en fait, d'avoir une attirance sexuelle. De préciser, genre, ouais, c'est ça. Mais sans sexualité. Exactement. Donc, la gérontophilie, en fait, c'est une paraphilie, c'est un comportement sexuel atypique dans lequel, justement, un individu va être sexuellement attiré par un partenaire sexuel qui est très, très âgé. Ouais. Donc, certaines personnes vont éprouver une attirance envers des partenaires qui sont beaucoup plus âgés qu'eux. Et l'aspect rassurant et initiateur de la personne âgée, c'est souvent déterminant. La gérontophilie, en fait, ça peut aussi dériver de l'intelligence, de l'expérience, du calme des personnes ayant eu le temps de vivre et qui se trouvent disponibles, qui se trouvent prêtes à écouter les autres. Donc, parfois, c'est ce côté-là qui va ressortir de la gérontophilie, c'est que tu vas avoir une attirance sexuelle pour une personne qui va être beaucoup plus âgée à cause de ces aspects-là de sa vie. Donc, la sexualité des personnes âgées, c'est pas nécessairement limité comme on pense. Il y en a qui sont pas limités par l'angoisse d'enfanter, par exemple, les femmes qui sont ménopausées ou tout ça. Donc, les vieux monsieur, eux autres aussi, ont déjà subi, par exemple, une opération chirurgicale, ce genre de choses. Une nouvelle hanche. Tu sais, il y en a qui... Il y en a qui aiment ça. Et la littérature érotique et le cinéma érotique, par exemple, ont beaucoup exploité les thèmes des personnes âgées et de la gérontophilie avec des jeunes enfants depuis plusieurs années. Donc, c'est quand même distinctif et c'est aussi distingué, par exemple, par la famigamie, qui est l'attirance pour un homme qui est plus âgé. Ah. C'est aussi défini par, attention, l'anililaganie ou la matroliganie, qui est une attirance pour une femme qui, elle, est beaucoup plus âgée. Tu sais, on pourrait donner le terme... Cougar, mais quand que toi, tu apprécies une autre femme, qui est une femme qui est beaucoup plus âgée, tu sais, t'as comme pas de terme par rapport à ça, c'est elle. Oui, c'est ça. Et on parle aussi de la chronophilie, qui est l'excitation due à la différence d'âge. La quoi, la chronophilie? La chronophilie, ce qui est quand même assez différent, parce que tu vas vraiment pas nécessairement être excité par la personne, mais tu vas être excité par la différence d'âge qu'il y a entre vous deux. Weird. Ce qui est un petit peu weird, en effet. Il n'y a pas d'interdiction par rapport à la gérontophilie et aux relations sexuelles entre personnes qui ont une grande différence d'âge. On s'entend que si ça devient de la pédophilie, oui, mais à ce moment-là, c'est pas nécessairement la même chose, on s'entend. Et parce que c'est assez rare qu'un enfant va vouloir de façon sexuelle une personne âgée. Ouais. Donc, le mariage, c'est pas interdit et les agressions sexuelles envers des personnes âgées sont punies comme les autres agressions sexuelles. Donc, ça, il faut prendre en considération. Là, c'est pas parce que vous êtes gérontophile que vous avez le droit d'agresser une personne âgée. Hein? On s'en rend... S'il vous plaît. On se comprend. Mais par contre, il y a des situations qui sont parfois un petit peu... malaisante en termes de circonstances. C'est-à-dire qu'il va y avoir des circonstances qui vont être aggravantes lors d'un procès par rapport à ça ou à cause de la vulnérabilité des personnes âgées où ça va pouvoir peut-être changer quelque chose du côté du droit. Mais dans la culture populaire, si on parle par exemple du côté de littérature, bien il y a l'histoire d'Urgelle qui elle a 80 ans et de Valère qui lui en a 20. Ça se passe dans le Nouveau Monde industriel de Charles Fourier et c'est un livre qui met justement la gérontophilie dans son aspect. On parle aussi de Mémoire de mes putains tristes, qui est un mémoire de Gabriel Garcia Marquez. Dont j'ai parlé tantôt. Dont tu as parlé tout à l'heure. Qui, lui aussi, met de l'avant la gérontophilie. Donc, c'est quand même drôle parce que tous les termes où tu as une attirance deviennent automatiquement une attirance sexuelle. Ouais, mais... Tu peux pas juste apprécier puis triper sur les personnes âgées sans avoir automatiquement l'aspect sexuel qui va venir rentrer en ligne de compte. Ce que je trouve quand même assez un petit peu triste. Absolument. Parce que j'ai juste beaucoup d'admiration envers eux. J'ai cherché un petit peu sur... en fait, tu peux mettre phobie sur n'importe quoi. Donc oui, il y a en effet pédophobie. C'est l'aversion des enfants. OK, donc c'est la peur des enfants. Voilà. C'est drôle quand même. Ouais. Et ça m'amène à vous parler d'un autre type d'attirance et automatiquement, ça va devenir une attirance sexuelle, mais c'est la sapio. Être sapiosexuel. L'intelligence. OK, oui, c'est d'être attiré sexuellement par quelqu'un qui est intelligent. Ça va loin, par contre, ça, là. Oui, ça va très, très loin. Se faire du plaisir en pensant à l'intellect de quelqu'un. C'est, ouais... C'est un petit peu... c'est différent, mais j'ai quand même des signes pour vous qui pourraient peut-être vous amener à vous dire que vous êtes sapiosexuel, OK? Donc, il faut que vous fassiez attention. Okay. En premier, c'est lorsque vous étiez au secondaire ou encore au collège, vous aimiez en secret le nerd de votre cours de latin ou d'espagnol. Donc, il était la plupart du temps de petite taille, il avait des lèvres gercées, il se mettait du lipsil, mais vous disiez vouloir sortir avec le redoutant gars de sport juste pour pas que les gens sachent que vous tripiez sur le petit gars qui était intelligent. Par la suite... Vous aimiez en secret votre jeune prof de philo? Ça, je pense que toutes les filles ont déjà eu ce côté-là, d'être un peu sur un de leurs profs, mais vous disiez vouloir tout simplement discuter avec lui pendant de nombreuses heures. J'ai besoin de rattrapage, monsieur. Exactement. Les fautes d'orthographe, ça vous fait hurler. Ben oui. Du moment qu'un gars écrit mal, que ce soit par message texte, que ce soit Tinder. Sur Facebook ou que ce soit sur Tinder. Saigne des yeux. Du moment que quelqu'un écrit mal, ouais, vous saignez des yeux ou vous passez votre temps à le corriger. Un des deux. Ça ira pas loin, ça. C'est vrai. Ouais. Un autre signe qui pourrait vous prouver que vous êtes sapiosexuel, vous avez déjà fait un rêve érotique avec Frank Underwood. The House of Cards. The House of Cards. C'est sûr que si vous avez fait ça, il y a de bonnes chances. Ou encore avec Tyrion Lannister dans Game of Thrones. Oh. Ben oui, parce que il est intelligent. Ouais. Vous avez peut-être aussi déjà eu une relation avec une personne plus âgée parce qu'il était charismatique, il était cultivé, il était élégant, il avait de l'intelligence, il savait beaucoup de choses. Donc, à cause de ça, vous voyez, vous pouvez avoir quelques signes avant-gardeurs du fait que vous êtes sapiosexuel. Tu peux faire du mix and match aussi, j'imagine, géronto-sapiophile. Probablement. Sûrement. Probablement. J'imagine qu'il peut y avoir des mix and match. Ouais. J'y avais jamais vraiment pensé, mais maintenant... Maintenant, j'en veux un. Dis... Non, mais... peut-être. Ah! Dans votre liste d'ex, vous avez probablement un chanteur à texte, un journaliste, un gars dont vous avez jamais vraiment compris le job, mais qui avait des lunettes. N'importe quoi. Ce genre de choses-là, ça pourrait justement vous donner un signe comme quoi vous êtes attiré sexuellement par les gens qui ont une grande intelligence. Et un autre aussi que je trouve quand même assez stéréotypé, mais vous aimez les gars à lunettes. Ben oui, mais ça n'a absolument rien à voir avec l'intelligence, mais OK. Mais non, mais tu sais, ils sont en temps normal, lorsqu'un gars porte des lunettes, selon l'enfance, là, quand on vous dit que quelqu'un porte des lunettes, c'est parce qu'il est très profond, il est lettré, il est drôle, il est modeste et surtout, il écrit des chansons. Hey, c'est du stéréotype, ça. Hey, c'est clairement stéréotypé, mais ça m'a tellement fait rire. Et pour les gens qui, justement, se demandent qu'est-ce que la sapiosexualité, ben c'est un concept qui place justement l'intelligence d'une personne comme le critère déterminant de l'excitation sexuelle. Ouais. Donc, si la personne n'est pas intelligente, un minimum, vous allez être turn off au grand complet. Ouais. Donc, encore une fois, c'est à cause de l'excitation sexuelle qu'on est capable de dire que quelqu'un est attiré du côté de l'intelligence. Parce que si on disait, moi, les gens intelligents, t'sais, ça m'attire, mais je suis pas nécessairement, je veux pas t'apprécies coucher ça avec tout le monde qui est intelligent, on s'entend. Bien là, il n'y a pas de non. Il faut tout le temps que ça soit justifié par l'attirance sexuelle. Donc, le désir sexuel de vouloir faire quelque chose avec quelqu'un, et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir avoir un terme à vos besoins. J'avoue. Et on devrait en trouver un mot. Ben oui! Je trouve ça quand même drôle. Sapio-appréciatif. C'est ça? Ouais. Tu sais, mais non. Faut que ça soit relié avec la sexualité. Ben oui. Ah. C'est triste. Je trouve ça triste. Ouais. Mais tout ça pour dire que... j'apprécie les personnes âgées. Je ne fais pas de la gérontophilie, s'il vous plaît. Parce que je ne suis pas attirée de façon sexuelle envers les personnes âgées. Il faut le répéter le plus souvent possible. OK, oui, exactement. Voilà, Mathieu. Hey. C'était une courte chronique, mais que je trouvais qu'il partait la semaine de côté, du côté humoristique un petit peu. Ça t'a parti la semaine? Ça m'a starté ça, mon gars. Là. Ça m'a turn on pour la semaine. Ben, et au moins, je t'ai allumé sur le fait que peut-être que tu peux faire du mix and match. Oui, exactement. Ben, il faudrait probablement se poser la question, faire quelques recherches. Mais je trouve ça triste quand même qu'on puisse pas définir l'attirance de quelqu'un simplement pour une attirance. Faut que ça soit ça qui vous donne envie d'avoir des relations sexuelles. C'est de la sapiophilie diète. Tu sais, tu fais quoi si t'es asexué, mais que t'aimes les personnes intelligentes? T'sais. Tu restes seul? Ou tu fais juste pas mettre de nom à ce que tu ressens? Ouais. C'est plus ça. Je sais pas. Et ça me fait me demander, asexué ou asexuel? Ouh! Asexué, c'est qui ne peut pas se produire. Asexuel est quelqu'un qui... Qui choisit de... C'est ça, veut pas avoir de... T'as bien raison. Bref. Bref, merci Tania. Ça fait plaisir. Super bonne chronique comme toujours. Et merci, on fait Tania Esgalèche de Zénia du lundi au jeudi à Assemblage Rocky. Un retour de sport effiloché un jour ou les sports c'est mort là? Non, c'est pas mort, mais tu sais. On a mis une croix là-dessus, c'est fini. La plupart de nos équipes ont terminé leur saison. Ouais, triste. Est-ce qu'on va embarquer sur d'autres choses bientôt? Probablement, ouais. Bref, voilà. Et aussi le retour de ton émission en piste avec Tania Baudin à partir de la semaine prochaine, okay, si je ne me trompe pas, le 15 mars. Exactement. Voilà. On prend une petite pause musicale, tiens, on a le temps, c'est le fun, une petite pause pour le fun. Ben oui. De même, on n'a pas de problème. On n'a jamais de problème. Il n'y en a pas. J'ai envie d'entendre, tiens, le couleur, on aime le couleur. Ben oui, on aime le couleur. Voici premier contact. Non-sexuel. Non-sexuel, oui. Thank you. On est couleur au fil ici. Le couleur, on les adore. Couleur au fil, t'es attiré sexuellement par les couleurs. Ben, juste la fille. Avec premier contact au retour, c'est la chronique, c'est un fait, restez là. Assemblage anti-potroie aujourd'hui. Vous êtes assez fou. 89.1. Assemblage anti-potroie aujourd'hui. Ok, on se lundi 6 mars 2017 à l'Italie Baudin. Et Mathieu Pan. Dans quelques instants, ce sera C'est un fait. Mais avant ça, crime, on n'a pas juste des connaissances générales à avoir. On veut savoir ce qui se passe sur le campus. Exactement. Fait que c'est l'info campus. Ah, ok. Voici maintenant l'info campus, présenté par le journal Zone Campus. Tu souhaites un horaire flexible et te démarquer professionnellement ou académiquement? Implique-toi dans un projet d'intervention dans la communauté, soit les PICOM, qui sont disponibles à partir de cet été. Considéré comme un cours complémentaire, un PICOM consiste à mettre sur pied un projet avec 2 ou 4 autres étudiants. Peu importe le domaine, il suffit de faire preuve de créativité, de débrouillardise et d'initiative. Pour plus d'infos, consulte le www.uqtr.ca/PICOM. Le dimanche 12 mars prochain, entre 8h et 18h, aura lieu un tournoi de badminton au CAPS Léopold Gagnon au coût de 25$ pour les adultes et 20$ pour les juniors. Une cantine est disponible sur place et il suffit de confirmer sa participation à bad.uqtr@commercial.hotmail.ca. Du 13 au 16 mars prochain aura lieu la semaine Cerveau en tête, se déroulant entre 19 et 20h30 chaque jour. Que ce soit à propos du bilinguisme dès l'enfance, la communication en lien avec le vieillissement, le regard social ou encore le langage sous toutes ses coutures, toutes les conférences sont gratuites et présentées à la salle Rodolphe Mathieu du pavillon Michel Sarrazin. De plus, ces soirées seront web diffusées au www.uqtr.ca/cerveau. Le poste de la vice-présidence aux finances et développement au sein de l'AGE UQTR est présentement ouvert. Pour être éligible, il faut être membre de l'AGE UQTR et être résident permanent ou citoyen canadien. Pour postuler, il faut aller au bureau du pavillon de la vie étudiante au local 1022 ou 1023 avant le jeudi 16 mars, 15h. Il est demandé d'être disponible le dimanche 19 mars lors du conseil d'administration de l'AGE UQTR à partir de 17h. C'était votre capsule Info Campus. Pour d'autres nouvelles, visitez Zone Campus et visitez zonecampus.ca. L'Info Campus qui est toujours écrit par David Ferron, le rédacteur en chef du journal Zone Campus, lui par Tania Bourdin ici présente. Ok, oui. On joue l'Info Campus à 6h30, à 8h30, midi et 18h du lundi au jeudi, puis les vendredis de 11h à 11h, oui, et 17h. De 11h à 17h, c'est bizarre. On joue en juste boucle. Juste un peu, ouais, c'est ça. Non, non. Je pense pas, non. Je pense que les gens vont préférer rock classique à ça. Je pense que oui. Pas mal ça. Bref, maintenant qu'on s'est mis au courant de ce qui se passe autour de nous au niveau local, regardons un petit peu plus loin, pourquoi pas, parce que voici, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Tu chantes comme, tu sais, le B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, sauf qu'à chaque fois que tu sautes une lettre, ça fait comme, ça fait genre, B-I-N-G, ou non, c'est quoi, c'est I-N-G-O, puis après ça, c'est comme genre, N-G-O. Ouais, ouais, exactement. Et tu chantes juste genre, t'as pareil. Un fait, t'as un fait, fait. Tout à fait. Bref, c'est un fait, c'est la correcte des choses véridiques, véritables et vérifiables. Selon Internet, bien sûr, les liens sont sur assemblagerequis.com. Commençons par un jeune écolier italien. Oui. Qui vendait des collations sur le campus à un prix plus bas que la cafétéria. Okay. Il a été suspendu pendant 10 jours. Donc, ça a fait des grands titres partout au pays. Plusieurs disaient que l'adolescent devrait être plutôt encouragé pour son esprit d'entrepreneuriat. Il a reçu des offres d'emploi de plusieurs startups et plusieurs compagnies de marketing et une bourse prestigieuse pour un institut qui disait que l'initiative du garçon devrait être encouragée et non pas persécutée. Dans le fond, c'est parfait. S'il veut aller acheter des affaires au dépanneur et les vendre moins cher que ce que l'école vend en tant que telle, C'est bien son on endroit. On appelle ça l'offre et la demande. Et voilà. Ensuite, le baseball est tellement populaire au Japon que plusieurs fans sont surpris là-bas d'entendre que les Américains considèrent ça comme leur sport national. Ah, oh, ouais? C'est le sport le plus populaire au Japon. Mais on se rappelle que le Japon est venu jouer ici une couple de fois avec les Aigles de Trois-Rivières. Voilà. C'est vrai, ça pogne. Ouais. Ils viennent pas cette année. Hein. C'est d'autres... Ouais, je suis pas certaine. Ming the Clam. Clam, c'est un... c'est une huître. Hein? Oui. Donc, c'est le plus vieil animal du monde. À 507 ans, Ming the Clam. Il a été tué, par contre, par les chercheurs qui essayaient de savoir quel âge il y avait. Genre, ouais, attends, ouais. Ils ont nommé la l'huître? Ouais, l'huître, elle porte le nom de Ming. OK. Qui vous non? Ça dépend. T'aimes pas ça? Je vois pas l'utilité. On me dit qu'un clam, c'est un mollusque. Ah, voilà. Ou une palourde, clam chowder. Ouais. Bref. Ensuite, sur les fusées spatiales, le tank pour mettre le pétrole, le gaz, là, qui est à l'extérieur du vaisseau, à l'origine était peinturé blanc. Mais en fin de compte, ça ajoutait 600 livres de peinture à la fusée, donc on a décidé d'arrêter de la peindre. Et maintenant, c'est orange. Wow. Logique. Le personnage de Bill Murray dans le film de 2001, Osmosis Jones. Est-ce que ça te dit quelque chose, Osmosis Jones? Ça me dit quoi, ça, ouais? Donc, le personnage de Bill Murray mentionnait un très fictif festival du National Chicken Wing Festival à Buffalo, New York. Donc, la ville a créé une vraie version du festival et ça a lieu à chaque année depuis. Oh, pas fou. Festival de l'île de poulet national. OK. Un professeur américain, ingénieur, scientifique, né en Roumanie. Il est israélien et américain. Il est comme plein de choses en même temps. C'est un survivant de l'Holocauste. Liviu Librescu a tenu la porte de sa classe pendant la fusillade à Virginia Tech. Il a sacrifié sa vie pendant qu'un tireur tirait plein de fois à travers la porte. Il a réussi à sauver 22 de ses 23 étudiants. Oh. Liviu Librescu. Fou. Pendant la guerre froide, l'Union, l'URSS, oui, a dessiné la carte, la map monde. À un niveau extrêmement précis. Le US State Department américain utilise toujours les cartes aujourd'hui, étant donné leur précision. La précision est tellement là qu'ils continuent d'utiliser ça. Donc, c'est une map touristique de Tallinn qu'on voit sur les photos sur assemblagerequis.com, produite pour les Olympiques des années de 1980, voilà. Mais tellement pas de détails comparés à la carte soviétique militaire de la même place fabriquée en 1976. Je suis très, très au courant des mots en français, comme toujours. Tout le monde sait ça. Méduse. Ben oui. Jellyfish, méduse. Y a une méduse qui pique et qui va te laisser te donner une impression de mourir ou une impression de mauvaises choses qui vont s'en venir et des pensées suicidaires qui peuvent durer jusqu'à 2 semaines. Ben voyons donc. C'est une piqûre de méduse qui te donne l'impression que quelque chose va arriver de mal. C'est genre, t'as un sense comme Spider-Man. Ouais, exactement ça. C'est hot. Ouais. Mais tu veux pas ça. Ouais, non, c'est ça. En 2010, un professeur de la Kansas State University est embarqué sur une diète de Twinkies. Oh, il mangeait non. Principalement des Twinkies. Ça, c'est genre des... C'est comme des May à la West, crème. Ouais, genre des May West, 2001, mais en forme de bâton. C'est ça. Des Oreos et des Doritos pour prouver à ses étudiants que compter les calories était la partie la plus importante de la perte de poids et non pas le contenu nutritif. Il a perdu 27 livres en dedans de 2 mois. Oh my God! Twinkies, Oreos et Doritos. Nancy Cartwright, qui est la voix en anglais de Bart Simpson, a essayé de déranger les gardes à Buckingham Palace en disant, en criant en fait, « What's happening, man? I'm Bart Simpson, dude! » Et elle a réussi à faire rire un garde de Buckingham Palace. Est-ce qu'il a été mis dehors? Ah non, je pense pas. OK, on le doit. Sûrement pas, ouais. Maintenant? J'imagine. Maintenant? Mais je sais pas, André. C'est sévère un peu. Mais c'est très sévère. Ouais, mais là, à un moment donné. Ouais. Faut charrier. En 1987, un homme nommé Mike Hayes a socio-financé son éducation à l'université en convainquant des millions de gens de lui envoyer 1 cent chaque et il a réussi à ramasser 28 000 $ américains. Mike Hayes de Rochelle, en Illinois. C'était en 1987 qu'il a eu cette idée-là. Il a écrit au chroniqueur du Chicago Tribune, Bob Green, lui demandait de demander à ses lecteurs d'envoyer 1 cent à Hayes. Disons que le chroniqueur a adoré l'idée et il l'a fait et ça a fonctionné en moins d'un mois. Il y avait eu 2,3 millions de cents. Mais non! Des dons ont été reçus de chaque État des États-Unis, en plus du Mexique, du Canada et des Bahamas. Donc, il a fini avec les 28 000 $ qu'il demandait. Ensuite, il y en a qui ont envoyé plus qu'une cent. Ben, là, j'imagine. Stephen King, ça, c'est vraiment intéressant. Stephen King qui racontait pas des histoires à ses enfants. tu sais, des fois, tu vas raconter une histoire à tes enfants pour qu'ils s'endorment. Oui. Non, non, non. Stephen King, lui, leur demandait de lui raconter une histoire. Ben, ça développe la créativité. Source d'information. Okay, ben, aussi. Mais quelle source d'inspiration pour faire des films après? Je sais pas si tes enfants sont si lugubres. Ben non, mais il peut prendre une histoire bien normale puis la rendre lugubre. La retourner de bord, j'aime ça. Un chien nommé Duke est le maire de Cormoran au Minnesota depuis 2014. Il a gagné 3 réélections. C'est vrai. Te jure. Duke Cormoran, avec un T à la fin au Minnesota. Wow. Les pommes sont originaires du Kazakhstan. Ah, ouais. Et 90% des pommes modernes peuvent être retracées à 2 arbres bien spécifiques. Mon Dieu! Au Kazakhstan. Incroyable. C'est fou. Le Frenchman. Oui, ben oui. C'est un mot allemand. Okay. On avait quand même compris avec l'accent. Oui, oui, quand même. Donc, c'est le mot allemand pour l'horreur que tu ressens quand tu remarques quelqu'un qui ne sait pas comment il est gênant. OK. C'est une personne qui fait quelque chose de gênant, ouais. De malaisant. Ouais. Mettons, Frenchman. OK. Ah, c'est fou, on appelle ça David Furman. Hmm. C'est David. Ensuite, les Japonais avaient une opinion négative des antidépresseurs jusqu'à ce que, en termes de marketing, on ait renommé la dépression comme une grippe de l'âme. Oh. Ou un rhume de l'âme. Donc ça, c'est une technique de marketing. Et après ça, les ventes d'antidépresseurs ont augmenté de 6 fois. Là-bas? Au Japon. Wow. 6 fois plus. Rhume de l'âme. C'est beau quand même. C'est très beau. The Deep Joy. Oui. La joie profonde, c'est la piscine la plus profonde du monde située en Italie. 131 pieds de profondeur et contient 1,1 million de gallons américains. Wow. Incroyable. The Deep Joy. C'est fou, ça. Ouais. Un homme du Kansas qui a acheté 3 billets pour la Mega Millions, là, c'est une loterie, avait commenté à son ami, je cite ici, « J'ai de meilleures chances de me faire frapper par l'éclair que de gagner la loterie. » Plus tard, ce même jour-là, il a été frappé par l'éclair. Oh my God. Il est pas mort. OK. Non. Le nom de Pikachu vient d'un onomatopée Pika Pika, qui est le son japonais pour de l'électricité, tu sais, le genre de un choc électrique, le bzzz, ce genre. Et Chouchou, qui est le petit son que les petites souris font. Donc, c'est une souris électrique. Mais il dit, hein, en plus, Pika Pika. Exactement. Mais ça te stresse, hein, ça te tape ses nerfs. Ah. Oh. Moi, les Pokémon, j'ai jamais trippé là-dessus. Ah, je sais pas non plus. Je sais que Pikachu faisait piquant, piquant, parce que quand j'ouvrais ma TV le matin, quand j'étais jeune, ça jouait, mais je changeais de poste. Ouais, puis j'avoue qu'il disait souvent pika pika, ben, puis t'avais des chances de tomber dessus. Ouais. Ensuite, alors ça c'est un terme assez intéressant qui s'appelle analysis paralysis, la paralysie de l'analyse. OK. C'est lorsque quelqu'un analyse ou pense beaucoup trop à une décision potentielle jusqu'au point où finalement ils ne prennent pas cette décision-là. Je fais ça à chaque jour de ma vie. Oh mon Dieu, moi aussi! Je pense tellement que je finis jamais par agir sur ça. C'est drôle, hein? C'est dans une des fables des sables qui s'appelle The Fox and the Cat. Le renard pense à une centaine de façons de s'échapper et le chat n'en a qu'une seule. Donc, lorsqu'ils entendent un animal approcher, le chat va grimper dans l'arbre et le renard est tout confus, il ne sait pas trop se faire. Donc, il se fait prendre par l'autre animal. Donc, la fable se termine avec la morale que c'est mieux d'avoir une bonne façon que 100 façons sur lesquelles tu n'agiras pas. Mais là, je traduis vraiment à la botch ici. Là. Mais c'est à peu près ça. Ensuite, il y a un habit que tu peux porter qui va te faire sentir ce qu'un personnage ressent alors que tu lis un livre. Peut-être une des fables d'Aesop. Hein? C'est un habit développé par le MIT Media Lab et qui, dans le fond, suit le scénario du livre. Le livre produit des sensations physiques pour imiter les émotions du personnage. Par exemple, si le protagoniste a peur, il y a des sacs, des poches dans la veste qui vont te peser sur la poitrine pour te donner l'impression d'avoir la poitrine renfermée. Si le personnage est excité, la veste peut vibrer pour influencer le battement cardiaque du lecteur. Si un personnage est gêné, l'appareil va chauffer pour changer la température de la peau. Donc, présentement, ils l'ont testé, mais en fait, juste sur un livre. Mais des compagnies comme Disney travaillent sur leur propre livre qui pourrait être accompagné d'un appareil portatif sur votre corps. Étrange. Ensuite, tiens, parlant de choses qui peuvent se passer à l'intérieur de toi, quand tu parles dans ta tête, tu sais, des fois, ça t'arrive de te parler à toi-même, t'as des petits muscles dans la gorge qui vont imiter la formation de chaque mot, apparemment. Pour vrai? Ouais, et la NASA travaille sur une machine qui pourrait détecter ces mouvements de muscles-là et transcrire ça en mots. Ah! Tu peux te faire espionner à un moment donné, je sais pas trop quoi. Ben ouais, c'est clair. Tu sais, les gens qui peuvent lire les codes. Les lèvres, et ouais. Ils pourraient lire ta gorge. Ouais. Lire les... Ben non, mais ça viendrait... Ouais, non, OK, j'avoue. Je m'allais dire peut-être que tes battements de cœur pourraient venir faire défaire ça. Je sais pas. Il faudrait que tu portes la veste du livre de tantôt pour te faire... Ouais, c'est ça, exactement. Ah, ça m'a intrigué quand j'ai vu la photo. Là. En 1798, lorsque Napoléon est allé en Égypte, le sphinx était enterré jusqu'à son cou. Tu connais le sphinx? Oui. Pas dans Batman? Non, non. T'as pas un Batman cœur? Batman cœur? Batman cœur. C'était pas avant 1925 à 1936, on n'est pas encore sur les dates, que l'ingénieur français Émile Barrès a réussi à enlever le sable pour révéler la base du sphinx. OK. Cool, hein? Avant, il était enterré jusqu'au cou. Ben, c'est fou, moi. On a parlé d'Oscars tout à l'heure. Les Oscars, le plus court discours aux Oscars qui a jamais été donné, c'était par Patty Duke en 1962. À l'âge de 16 ans, la plus jeune personne à avoir accepté un Oscar dans une catégorie compétitive a dit, je cite, « Merci ». Merci. Et elle a quitté la scène. Ben, OK. À vous. Pourquoi faire compliqué quand tu peux faire ça? Hein? Merci. Merci. Ensuite, lorsqu'Apple achetait un terrain en Caroline du Nord pour leur centre de données, un couple a refusé de leur laisser acheter un terrain de 1 acre. OK. Apple a continué de leur donner des offres, de leur faire des offres. Le couple n'arrêtait pas de rejeter tout ça. Donc, Apple a demandé, bon, OK, gars, nommez votre propre prix. OK? Apple a été obligé de payer 1,7 million de dollars pour avoir 1 acre de terrain. Wow! Ben, pas obligé, mais ils ont fait ça. Parce qu'ils ont demandé le prix. Ils sont fous! Ouais. Ben, 1 acre. Tu sais, si tu veux réussir à construire ce que tu as à construire, il faut le dernier acre. J'avoue. Oh, la touche Shift sur un clavier. Oui. Shift, des fois, c'est une flèche par en l'air, mais quand même, on l'appelle la touche Shift. Ça s'appelle comme ça parce que avant, sur les machines à écrire, ça tassait complètement les caractères de place pour pouvoir accéder à la lettre majuscule sur chaque caractère. Hein? Ça tassait le rouleau. Le roi, je dirais le rouleau, mais l'appareil. Ça tassait plein de choses à l'intérieur. Donc, Shift comme dans tasse. Les scientifiques ont conclu finalement que, tu sais, on se demande des fois l'œuf ou la poule. Oui. Ça, l'œuf ou la poule ou l'enveloppe ou je sais pas trop quoi. Oui. Ou guimauve. Donc, les scientifiques ont conclu que l'œuf, que la poule, oui, est arrivée en premier et non pas l'œuf. Parce que la protéine qui fabrique la coquille de l'œuf est seulement produite par les poules. Oh! Dans les dents. Guimauve. En 1989, Bill Gates a répondu à un appel au soutien technique de Microsoft et s'est identifié seulement sous le nom de William, ce qui est son vrai nom, là, William Bill Gates, et il a réussi à résoudre le problème. Le client a plus tard rappelé chez Microsoft pour demander spécifiquement de parler à William. C'était le 22 novembre 1989 où Bill Gates, en fait, faisait le tour de nouvelles bâtisses là, du département du soutien technique pour les produits chez Microsoft. Et pendant une visite, il a demandé aux gens qui s'occupaient des téléphones, « Est-ce que je peux prendre cet appel-là? » Donc, Bill a mis les écouteurs, s'est assis, a répondu au téléphone, « Hello, this is Microsoft Product Support. William speaking. How can I help you? » Donc, Bill a parlé avec des clients. Et puis, il a ramassé les données sur les problèmes, où il a cherché dans la base de connaissances de Microsoft, a cherché dans les résultats, trouvé les solutions et ensuite patiemment a expliqué les problèmes aux clients. C'est merveilleux, hein? Très fort. Il a terminé l'appel en disant « And thank you for using Microsoft products. » Ensuite, est-ce que tu connais June et Jennifer Gibbons? Ça indique quelque chose? Ben oui, hein? Donc, June et Jennifer Gibbons, nées le 28 février 1963. Jennifer est morte en 1993. Sont des jumelles homozygotes qui ont grandi au pays de Galles. Okay. Elles sont connues sous le surnom de The Silent Twins, donc les jumelles silencieuses, à cause de leur décision de ne communiquer qu'avec les membres de leur famille. Elles ont rédigé des romans, puis elles ont mené une vie criminelle. Les deux femmes ont été internées à l'hôpital Broadmoor en Angleterre, où elles ont été détenues pendant 14 ans. Hé! OK, non, finalement, je les connaissais pas. Non, hein? Je saute la biographie, il y a plein de détails super intéressants, mais on passera pas la journée là-dessus. Selon quelqu'un, quelques jours après... Non, c'est ça, attends, faut que je lise les détails. Elles avaient dit que... Il y en a une qui devrait mourir pour que l'autre puisse avoir une vie complète. OK. Donc, quelques jours après le décès de sa sœur, June a dit « Je suis enfin libre, libérée, et enfin Jennifer a donné sa vie pour moi. » Et depuis la mort de Jennifer, June donne des entrevues, donc elle n'est plus silencieuse. En 2008, elle menait une vie tranquille et indépendante près de ses parents dans l'ouest du pays de Galles. Elle n'est plus sous surveillance médicale parce qu'elle est allée... En asile, ouais. Acceptée par la communauté, elle tente d'oublier son passé. Donc j'imagine que l'influence de Jennifer était assez incroyable. Ouais. Donc, allez voir le reste des informations sur ces deux-là sur assemblagerequis.com. Et on termine avec les Simpsons. Vous avez peut-être entendu souvent dire que les Simpsons étaient la série animée qui avait duré le plus longtemps au monde. Ouais. Complètement faux. Le record est établi par Sazae San avec plus de 7000 épisodes qui sont en ondes depuis 1969 au Japon. Donc, dans les dents, les Simpsons! Ben ouais, hein? Voilà. C'est tout pour le premier blog de C'est un fait. Un deuxième tout à l'heure, pourquoi pas. Mais pour l'instant, on écoute des gens qu'on aime beaucoup, qu'on a reçus en entrevue au Palmarès C'est fou la semaine dernière. C'est de Franklin Electric. Avec I Know the Feeling. Ah, je sais ce que c'est, je connais ça, moi. Ah, ouais. It's amazing how my eyes have grown to see the colors right. And I never thought it before I saw you last night. De Franklin Electric qu'on a eu en entrevue dans les Palmarès C'est fou la semaine dernière. L'entrevue est sur c'est fou.ca en passant, sur assemblagerequis.com aussi, sur la page Facebook. Maintenant, on prend une petite pause et au retour, une autre partie de C'est un fait. C'est là. Aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89 Vous êtes toujours à Assemblage Reiki avec Mathieu Plante. Et Tania Baudet. OK, oui, et on est rendu au deuxième bloc de C'est un fait. Ah, c'est le fun. Yeah. Laisse-moi chanter un peu, OK? OK. Mais bon. Faut que tu m'accompagnes aussi. Ah, pour vrai? Ce serait le fun d'inverser les rôles, mais... Non. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas. C'est un fait. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas. C'est un fait. C'est un fait. T'as fait du lip sync. C'est pas vrai. Un peu. Mais non. T'as fait les lèvres sur les paroles. Ah ouais? Ah ouais, oui. Tu t'en rends pas compte, hein? Non, c'est ça. Parce que tu sais, avec tes lèvres, tu t'en rends pas toujours compte. Donc, c'est un fait, la collecte des choses véridiques, véritables et vérifiables selon Internet. Les liens sont sur assemblagerequis.com pour ceux qui veulent suivre ou trouver des preuves de tout ça. Commençons par l'odeur de terre. C'est l'odeur de fraîcheur, de terre fraîche, de terre mouillée, produite quand il pleut. Ça a un nom, ça s'appelle pétrichore. Ça vient du mot grec pétra, qui veut dire pierre, et ichore, qui réfère au liquide qui coule comme du sang dans les veines des dieux. My God. Pétrichore. Ah oh, ouais. Y a un endroit dans le Wyoming où un cours d'eau se sépare en deux. L'eau à moitié va dans l'océan Pacifique et l'autre moitié va dans l'océan Atlantique. C'est comme trois rivières, mais vraiment, avec vrais cours d'eau qui se séparent vraiment. C'est fou. C'est cool. Ensuite, quoi que trois rivières aussi se séparent en deux, hein, c'est ça? Ouais. Et boy, l'histoire. j'aurais dû juste rien dire tant qu'à dire n'importe quoi. C'est ça. Les premières phrases de paragraphes qui restent en bas d'une page, mettons, tu lis le journal. En bas de la page, il y a comme une ligne toute seule d'un début de paragraphe. Oui. Ça s'appelle une ligne veuve. Okay. Et les premières... Tu sais, quand il reste juste un mot en haut de la colonne, mettons, là, il y a juste quelques mots, puis après c'est un point, puis un autre paragraphe. Ça s'appelle les orphelines, ligne orpheline. Donc, veuve en bas, orpheline en haut. C'est de même. Spécial, hein? Pizza. On est supposé ne pas faire ça dans aucun journal. Dans le zone campus, c'est rare qu'on le fait, mais ça peut arriver. Ouais. C'est rare. Ensuite, l'ancien directeur du FBI, J. Edgar Hoover, aimait ça écrire dans les marges de ses mémos. Dans le contour de la feuille. Ouais. Y a une fois, à un moment donné, où il était en train de lire un mémo, il trouvait que les marges étaient très, très minces. Donc, il a écrit « Watch the borders », fais attention aux bordures, aux marges. Sauf que là, la semaine suivante, il y avait plein de confusion parce qu'on pensait qu'en fond, il avait envoyé la Border Patrol, l'équipe qui s'occupe des frontières, parce qu'il pensait qu'il y avait une activité à la frontière. Border, tu comprends? « Watch the borders ». Ensuite, un homme bulgare, c'est ça? Oui. Il s'est déjà ramassé à l'hôpital après avoir été frappé par une voiture. Les tests d'alcool dans son haleine ont révélé que c'était tellement élevé, en fait, que la police pensait que l'équipement était brisé. Hein? Parce qu'il était quand même conscient et réussissait à leur parler. Cinq différents tests de laboratoire ont confirmé qu'il avait un niveau d'alcool dans le sang de 0.914. C'est sûr, c'est une blague. Mais non. Il doit boire vraiment souvent. Oh my God! 914! Il doit avoir un gros nez rouge avec des cratères. C'est sûr. On vous salue ceux qui ont des cratères comme nous. Le prototype pour la chainsaw, la scie à chaîne qu'on connaît aujourd'hui dans l'industrie du bois, date de la fin du 18e siècle. Deux docteurs écossais qui utilisaient ça comme outil chirurgical pour aider lors de naissances difficiles. My God! C'est sauvage, ça? C'est intense. Mais oui! Wilma Rudolph était la 20e de 22 enfants. Elle est née prématurée à 4,5 livres. Elle a souffert d'une paralysie infantile, de polio et de la scarlet fever, fièvre scarlet. Okay. Elle portait même un truc sur sa jambe parce qu'elle avait une jambe comme tordue. Éventuellement, elle est devenue la femme la plus rapide des années 60. Elle a gagné 4 médailles olympiques. Wow, Wilma Rudolph. C'est vrai, non, on est rouge. Votre nettoyant corporel, votre savon pour le corps de douche, ça va, disons que selon certains, ça abaisse votre libido. Ah ouais. Si tu passes des heures à te nettoyer là, avant une date, peu importe, là, c'est ce que l'article nous dit. Il y a une nouvelle recherche qui nous parle du triclosan. On sait qu'il y a ça dans les savons, dans différentes sortes de savons, tu sais, sans eau, là, des trucs comme ça, dans les produits antibactériens. Ça fait descendre la testostérone chez les hommes, l'estrogène chez les femmes et la santé immunitaire en général. L'industrie du savon a commencé à utiliser ça il y a environ 40 ans. C'est une façon efficace de nettoyer, donc d'enlever les bactéries de votre peau. Mais il y a des risques associés à ça. En plus d'abaisser votre libido, ça peut aussi causer une faiblesse des muscles. Ça peut nuire à l'activité musculaire et ça peut créer de la fatigue et ça peut créer des problèmes d'érection. Oh, ouais. Ouais. Et finalement, on a su récemment qu'aux États-Unis, entre autres, on allait se débarrasser de ce produit chimique-là. C'est un de 19 ingrédients chimiques dans les savons et dans les nettoyants comme ça qui vont être bannis à partir de septembre 2017. Et plusieurs compagnies commencent déjà à retirer ce produit chimique-là de leurs produits. Par exemple, dans le Minnesota aux États-Unis, on a banni ça après avoir trouvé des traces de triclosan dans les lacs et les rivières. Donc, chercher triclosan, évidemment, il faut pas se faire super gros peur avec ça. Mais non. Mais c'est souvent listé dans les ingrédients actifs de vos produits d'hygiène. L'odeur du wasabi. On a cherché là-dessus pour remplacer les. Ben pas remplacer, mais accompagner l'alarme de feu pour les gens qui sont sourds. Lorsqu'on a testé ça, les sujets se réveillaient en dedans de 10 secondes après avoir une vapeur de wasabi dans leur chambre. Ah ben c'est sûr. C'est vraiment cool, hein? C'est vraiment très fort. Très puissant le wasabi pour les handicapés auditifs. Il y a des gens dans. Faut pas dire ça, handicapés auditifs. Non. Il y a des gens dans le monde qui sont allergiques au fait d'avoir froid. OK. Comme nous en ce moment, Oh, hey, on a monté d'un degré, 19 degrés Celsius. Oh, on adore ça. On était à 17 dans le studio en début d'émission. Ça doit être parce qu'on a fermé la porte. Ça doit être ça. 17 en début d'émission, 18 vers une demi-heure après, puis là, une heure plus tard et presque une demie. On est rendu à 19. Ça fait tellement froid, vous avez aucune idée. Incroyable. La ville de Melbourne en Australie, c'est presque appelé Batmania. Mm-hmm. Tu as parlé de Batman de cœur, Batman de cœur tantôt. Oui, oui, oui. Donc, sa fille s'appelait Batmania en l'honneur d'un de ses fondateurs, John Batman. Quand il a trouvé le site où se situe Melbourne maintenant, il a noté dans son journal le 8 juin 1835 cet endroit sera l'endroit pour un village et a déclaré que la terre s'appellerait Batmania. Les stationnements à San Francisco sont tellement peu nombreux, il en manque tellement que le stationnement qui est attaché à ta propriété, à ta maison, peu importe, peut ajouter 100 000 $ à la valeur de ta propriété. Fou ça. Ouais. Walmart, on dit que dans le temps, c'est selon le New York Times, donc quand même. Okay. Walmart avait comme habitude d'enfermer les travailleurs dans son magasin, souvent sans avoir un gérant présent avec la clé. Et des fois, il fermait même la sortie de feu, l'enchaînait pour que les gens travaillent toute la nuit chez Walmart. My God. Selon le New York Times. Stephen King, on a parlé de lui tantôt comme étant quelqu'un qui, à la place de lire des histoires à ses enfants, se faisait raconter des histoires par ses enfants. Oui. Bref, Stephen King a donné tellement d'argent pour aider à construire un terrain de baseball dans le Maine que les gens là-bas appellent ça Field of Screams, le terrain des cris, comme dans genre l'horreur de Stephen King. Mm-hmm. Tu comprends? Ben oui. Ensuite, ajouter de la vodka à ton shampoing va renforcer tes cheveux, va empêcher la sécheresse de ton cuir chevelu et va arrêter les pellicules, apparemment. Ah ouais? De la vodka. Même s'il y a une émission du matin, une émission de télé matinale, je crois que c'est aux États-Unis récemment, qui a suggéré d'utiliser de la vodka pour laver ses fenêtres et que ça fait bondir les gens de furie. Voyons donc gaspiller de la vodka pour tes fenêtres. Ben là, franchement. Faire un fist bump, tu sais, un fist bump comme dans genre frapper ton poing contre une autre personne pour faire bonjour. C'est scientifiquement prouvé que c'est une façon plus sécuritaire et plus hygiénique d'accueillir quelqu'un que de donner une poignée de main ou de faire un high five. C'est vrai. S'il te plaît. C'est. Boom. Tu fais pas. C'est Howie Mandel qui fait ça, l'humoriste Howie Mandel. Je pense que oui. Qui fait des fist bumps. Un petit cours d'eau, un ruisseau, bref, dans le Wyoming qui s'appelle Intermittent Spring. Qui coule pendant 12 à 18 minutes, ensuite va arrêter abruptement pendant 12 à 18 minutes et va recommencer pendant 12 à 18 minutes. C'est un geyser d'eau froide. Le cycle de l'écoulement, bref, s'allume et s'éteint de la fin de l'été jusqu'à l'hiver. Bref, soudainement, tout arrête. Ben là. Eh ben. Faut aller voir, il y a comme un petit dessin qui vous montre comment ça fonctionne. Ça ressemble un petit peu à. Je sais pas à quoi ça ressemble, à une partie du corps humain, genre. Genre. Ça ressemble à, je sais pas, l'estomac. On va dire l'estomac. Ouais. Sûr. Ensuite, lorsque la marine française a officiellement arrêté d'utiliser le code Morse le 31 janvier 1997, c'est quand même assez récent, leur dernier message transmis était « Appel à tous, ceci est notre dernier cri, notre dernier pleur avant notre silence éternel. » Oh mon Dieu. C'est sombre. C'est très triste. On dit que s'asseoir droit dans sa chaise est une mauvaise chose pour votre dos. Hein? On dit en fait qu'on devrait aller par l'arrière, donc s'évacher un petit peu par en arrière. Comme ça. À un angle, oui, comme ça. Tania nous le montre en ce moment, caméra 3. Oui. À un angle de 135 degrés, en fait. Les chercheurs écossais et canadiens ont utilisé une forme de résonance magnétique, donc du MRI-IRM, là, pour montrer que s'asseoir bien droit, ça nuit à votre dos. Ils ont dit à la Radiological Society of North America que la meilleure position est à 135 degrés vers l'arrière, ce qui place moins, ce qui fait moins de mal à tes disques dans ta colonne vertébrale et les muscles associés et tes tendons sont donc plus relaxés, lorsqu'assis dans cette position-là à 135 degrés. Pas fou, quand même. Ouais, quand même. Comme idée, là. Ben, les chaises sont pas faites pour ça, mais bon. Non, c'est ça. En 2001, un homme a été tiré et mort après avoir testé une potion anti-balles. Il avait demandé à une docteure sorcière de le rendre invincible aux balles de fusil. Après avoir appliqué la potion pendant 2 semaines, un de ses collègues villageois l'a tiré pour voir si la potion fonctionnait. Il est mort, évidemment, instantanément. Le gars, il a vraiment mis tous ses espoirs dans cette potion anti-balle. Hein. En Grèce antique, mm-hmm. Les hommes riches, des fois, envoyaient leurs esclaves pour s'asseoir sur les toilettes publiques qui étaient faites de marbre pour réchauffer la toilette. Non! Ouais, c'est comme quand on demande de réchauffer le lit dans un couple. Ici, on réchauffe la toilette. Ça n'a jamais pogné. Pourquoi tu ne demandes pas, genre, ouais, va réchauffer la toilette, chérie? C'est dégueulasse. Les producteurs de One Flew Over the Cuckoo's Nest ont demandé à un vendeur de voitures local, Mel Lambert, de les aider à trouver quelqu'un de grotesque pour jouer des... plusieurs personnes grotesques, en fait, pour jouer des figurants dans le film, bref. OK. Lambert a placé une publicité demandant « Do you have a face that scares Timberwolves? » Et malgré plusieurs chroniques dans les journaux disant que c'était insultant, la publicité a fonctionné. Ils ont réussi à trouver des gens laids pour jouer dans le film One Flew Over the Cuckoo's Nest. Timberwolves, c'est pas l'équipe des Timberwolves du Minnesota, mais c'est des loups, une sorte de loup. Hein. Et One Flew Over the Cuckoo's Nest, en français, c'est vol au-dessus d'un nid de coucou. Voilà. Ensuite, 2 soldats allemands ont été enfermés dans un entrepôt de nourriture et de trucs d'équipement pendant 6 ans. Et là là! Après qu'on ait dynamité l'entrée de l'usine, les travailleurs polonais ont réussi à retirer ce qu'il y avait devant, les débris, et ils ont retrouvé en 1951. OK. Donc, ils ont réussi à vivre, évidemment, parce qu'ils étaient dans une usine de nourriture et d'équipement pour survivre. Il n'y avait pas d'outils pour réussir à sortir du bunker, par contre. Il se lavait dans du vin. Wow. Ben, tu sais, tu trouves que tu peux trouver, hein? Hein? Oui, c'est ça. Ben, si tu as vraiment... C'est ça. Tu vas réussir. Il cachait les morts dans des sacs de farine, parce qu'il y a des gens qui sont morts, évidemment. Et les corps étaient presque parfaitement momifiés. Il y a plein d'autres détails vraiment intéressants sur assemblagerequis.com. Ensuite, les Aztèques voyaient la naissance comme une forme de bataille. Donc, les femmes qui mouraient pendant qu'ils accouchaient, était dans le fond allait à un paradis comme plus haut que les autres. Ah ouais. Un peu comme les guerriers masculins qui mouraient en pleine bataille quand elles mouraient en donnant naissance. Wow. Ensuite, tu connais le jaywalking, traverser au mauvais endroit dans une rue, mettons, tu traverses pas à la lumière, tu traverses pas au stop, tu traverses un petit peu n'importe où. Donc la culture des piétons varie dépendant de la ville dans le monde. Ok. Donc selon une nouvelle étude de la Royal Society Open Science dans Science Magazine, les chercheurs japonais et français ont observé donc les arrêts, les coins de rue à 4 différentes intersections à Nagoya au Japon et dans 3 différents sites à Strasbourg en France. Leur hypothèse était que la société individualiste de la France encourageait peut-être les gens à prendre plus de risques que la société plus collective du Japon. Ils nous apprennent donc que sur 1631 traversées japonaises, seulement 2% des piétons traversaient contre la lumière rouge. Pour faire contraste, les piétons français traversaient contre la lumière rouge environ 42% du temps. Et on a observé 3814 traversées. Les piétons français qui suivent la loi, donc qui traversent sur une lumière verte, c'est ça? Okay. Descendaient du trottoir plus rapidement que les piétons japonais lorsque la lumière devenait enfin verte. Dans les deux pays, le nombre de jaywalkers, je sais pas comment on appelle ça en français, quelqu'un qui traverse pas au coin de la rue. Un mauvais piéton. Ouais, c'est ça. Bref, il y a un mot pour ça, mais je me rappelle pas. Ah ça. Ouais? Le nombre de jaywalkers augmentait lorsque personne regardait autour. Quand il n'y avait personne autour, les piétons français traversaient illégalement 67% du temps. Les piétons japonais faisaient du jaywalking presque 7% du temps lorsque personne regardait autour. Les chercheurs ont comme hypothèse que les gens avaient plus peur du jugement de leur père que d'avoir une contravention de la police. Les chercheurs écrivent qu'ils avaient plus peur d'être critiqués que de recevoir une contravention. Wow. Eh ben, les gens ont plus de chances de faire du jaywalking lorsque leurs rues ont moins de... lorsqu'il y a une médiane, évidemment une médiane parce que tu vas pouvoir arrêter au milieu. puis après ça, continuer ton chemin. Et lorsque le temps d'attente entre les lumières est vraiment long, par exemple sur le boulevard des Récollets. Wow. On a seulement examiné ça dans deux pays, mais on pourrait faire une extrapolation dans le reste du monde, bien sûr. Ensuite, un scan de cerveau nous montre qu'il y a quatre différents types de dépression. OK. Les scientifiques disent avoir trouvé des preuves neurologiques de quatre différents sous-types de dépression. Une découverte qui pourrait aider les médecins et les docteurs à trouver de meilleurs traitements pour les patients dépressifs. Une recherche qui a été publiée dans le journal Nature Medicine. Donc, la dépression, qui est quand même quelque chose de difficile à comprendre. On dit que les maladies mentales peuvent être diagnostiquées non pas par des signes physiques concrets, mais par le comportement des patients. Il y a plusieurs problèmes avec cette approche-là, incluant le fait que plusieurs maladies peuvent être causées, peuvent causer les mêmes symptômes, voilà, et différents symptômes peuvent affecter des gens différemment. Ce qu'on appelle la dépression est quelque chose qui a plusieurs causes, selon le co-auteur Connor Liston, chez Weill Cornell Medical College. Il a dit ça à Scientific American. Donc, Liston et ses collègues ont analysé des IRM, encore une fois, des scans de différents de 17 différents sites à travers le monde. Ils ont pris des scans de 1188 personnes, environ 40% de ces gens-là avaient une dépression. Ils ont pu regarder 258 régions du cerveau chez chaque personne. Donc, on a réussi à trouver des différences, différents groupes de gens dépressifs, des différences dans l'activité du cerveau. On dit que ça allait avec différents profils médicaux. Les patients dans le sous-type 1 et 2 ressentaient plus de fatigue et les gens dans le sous-type 3 et 4 avaient de la difficulté à ressentir le plaisir. Les sous-types répondaient aussi différemment à différentes techniques de traitement. Les gens du sous-type 1, par exemple, avaient plus de chances d'être soulagés par une stimulation magnétique transcrânienne, un TMS. Une méthode non pharmaceutique utilise des impulsions électromagnétiques pour stimuler un cerveau lent. Donc, on a besoin de plus de recherches, mais quand même, on doit savoir qu'il y a environ, en tout cas pour l'instant, quatre types de dépression. C'est pas juste une cause biologique. Ensuite, quelle est la différence entre junior et deuxième du nom? T'as peut-être déjà entendu parler de gens qui ont deuxième du nom? Donc Robert Downey Jr., Sammy Davis Jr., deux des vedettes les plus connues avec des suffixes nominaux. Pourquoi est-ce qu'ils se nomment pas donc Robert Downey, le deuxième du nom, et Sammy Davis, le deuxième du nom? C'est parce qu'ils sont nommés en l'honneur de leur père toujours vivant et non pas un autre membre de leur famille rapprochée. OK. Donc les suffixes nominaux junior et deuxième réfèrent à une personne qui est la deuxième dans la famille d'avoir avoir exactement le même nom, incluant le deuxième nom, c'est le middle name. Donc un suffixe deuxième va spécifier que la première personne à avoir eu le nom n'était pas le père de la personne. Donc le 2 rend hommage des fois au grand-père, à un arrière-grand-père, à un oncle, etc. Donc t'es pas junior parce que junior c'est exactement le fils de la personne. Les femmes peuvent aussi avoir un suffixe junior au deuxième, mais c'est pas aussi commun. Surtout parce que les femmes historiquement prenaient un nouveau nom de famille lorsqu'elles se mariaient, ce qui donc enlevait la distinction du junior ou du deuxième du nom. Par contre, la fille du designer de mode, de la designer de mode Carolina Herrera, utilise le nom de Carolina Junior, même si elle a pris quand même le nom de son mari. Bonne idée. Si on revient à nos exemples au début de l'article, Robert Downey Sr. a déjà aussi été un junior. Donc le père Robert Downey est né Robert Elias Jr., nommé en l'honneur de son père. Et plus tard, il a changé de nom pour avoir le nom de famille de du père qui était de son deuxième père, le stepfather, qui est donc le mari de sa mère. Oh, wow, OK. Voilà. Il y a aussi George Foreman qui a eu 5 fils nommés en son honneur. Étant donné qu'on ne peut pas avoir Junior, les fils de George s'appellent George Edward Foreman Jr., George 3, George 4, George 5 et George 6. Ils ont tous des surnoms. Few. Je sais pas si leur surnom c'est 6, 5, 4, 3. Bref, c'est quelque chose. C'est tout Georgie boy. Continuons parce qu'on a le temps en masse. Quel est le meilleur moment pour aller faire un numéro 2, selon toi? Je sais pas. Tu dirais le matin, l'avant-midi, l'après-midi, le soir? Je vais dire le soir. D'accord. Je voulais pas te demander, toi, quand est-ce que tu fais caca? Je sais pas, là. Donc, bref, quand tu vas faire un numéro 2, c'est difficile de savoir si t'es normal, hein? Parce que, bon, des fois, tu vas aller faire tes affaires, puis là, il y a personne d'autre qui va au travail faire tes affaires parce qu'ils veulent pas y aller au travail et parce qu'ils trouvent ça dégueulasse. Mm-hmm. Bref, selon un gastro-entérologue qui a parlé à Women's Health, faire ça le matin est meilleur pour la santé. Pendant que tu dors, oui, ton corps travaille fort à digérer la nourriture, donc ça a du sens que tu y ailles une fois que tu sors du lit. Pour aider un corps à marcher bien, à fonctionner comme une machine bien huilée, il faut s'assurer de manger un déjeuner fibreux, boire un petit peu de café, prendre un grand verre d'eau, et aller aux toilettes à un moment constant, à chaque jour. On nous dit que vos boyaux, vos tuyaux aiment avoir une habitude, aiment suivre la routine. Et évidemment, le corps de tout le monde est différent et ce qui est normal pour toi pourrait ne pas être normal pour une autre personne. Il y en a qui peuvent faire ça 3 fois par jour, d'autres vont le faire à chaque 2 jours, d'autres vont le faire chaque midi à 20h tous les jours. Donc vous avez juste à suivre évidemment votre corps et peut-être changer votre horaire de, comme on dit, de prendre des fibres au déjeuner le matin. Peut-être que ça va vous aider à être régulier. Voilà. Et ça nous dit que même si vous aimez ça, allez lire aux toilettes, s'asseoir sur la toilette peut mener à des hémorroïdes. Ah. Donc, tu ne devrais pas perdre ton temps à aller à la toilette, même si tu n'es pas prêt. Ah ouais. Voilà. Ensuite, tiens, on a parlé de nom. Tantôt, on a parlé de junior et de deuxième du nom. Cet article-là l'accompagne très bien. C'est l'homme qui dit avoir le plus long nom du monde. OK. Donc, bon, il y a déjà dans le passé, on a entendu parler de John Jacob Jingleheimer Schmidt. C'est pas un très, très long nom. Il y a aussi Hubert B. Wolf Schlegenstein-Hausen Bergerdorf. Mais ça, c'est une version courte, en fait, parce que Hubert est un homme de Philadelphie qui est maintenant mort, qui avait 26 prénoms, chacun pour chaque lettre de l'alphabet. Et son nom de famille faisait presque 700 lettres de long. Ben non! Donc, en alphabétique, bien sûr, Adolf, Blaine, Charles, David, Earl, Frederick, Gerald, Hubert, Irvin, John, Kenneth, Lloyd, Martin, Nero, Oliver, Paul, Quincy, Randolph, Sherman, Thomas, Uncas, Victor, William, Xerxes, Yancy, Zeus. Et là, son nom de famille, c'est Wolfenschlagen, Steinhauser. Et là, je pourrais continuer longtemps, là, jusqu'à la fin où ça fait Vichen Sternatigrum Senior. Oh mon Dieu! Pourquoi? Parce que oui, il a donné son même nom à son fils. Pauvre gars! Ouais. Tu peux pas écrire ça sur un examen? Non. Ben, c'est ça. Tu vas avoir une belle note pour ton nom, peut-être. Hey, hein? J'imagine que tu as une note pour ça. Franchement. Souvent, évidemment, il rapetissait son nom pour le côté pratique. Selon son entrée dans le livre des records Guinness de 1978, Hubert s'appelait souvent Mr. Wolf plus 585 Senior. Plus 585, j'imagine, pour le nombre de caractères qu'il devait sauter. Wow. Il utilisait aussi le nom de famille Wolfschlegelstein-Hausen-Bergerdorf pour les documents officiels. Il arrêtait là. En 1952, un chroniqueur du Philadelphia Inquirer, qui était, j'imagine, amusé par le nom, a écrit Hubert B. Wolfschlegel Seckenfackerbergdorf, qui s'était récemment inscrit pour voter, apparemment. Donc, Hubert a écrit au Inquirer pour corriger l'erreur d'orthographe. Le U dans Austin avait été omis. Parce que le gars, il connaît son propre nom. Là. Il est long, ben, ça. C'est ça, ouais. Il est long, mais il connaît bien. Hein? Bref, c'est pas le... Ben, il y a plein d'autres détails sur plein d'autres gens qui avaient des longs noms, mais je trouve que c'est assez pour ce gars-là. Et finalement, le Wichita, qui a maintenant des voies pour les vélos qui sont plus sécuritaires grâce à des débouches-toilettes. Hein? Ouais, plusieurs villes n'ont pas l'argent pour l'infrastructure nécessaire pour que les cyclistes et les piétons soient en sécurité sur les routes de la ville. Okay. Mais à Wichita, dans le Kansas, certains cyclistes prennent leur revanche sur les voitures qui entrent des fois un petit peu dans la voie des cyclistes. Donc, selon CityLab et KSN, il y a un activiste, si on veut, des vélos. Ouais. Qui a récemment installé des bouches-toilettes avec du ruban adhésif qui réfléchit la lumière, bref, sur la ligne qui sépare la voie cycliste de la voie pour les chauffeurs automobiles. Donc, c'est du design urbain, comme on appelle. Ça agit comme ce qu'on voit dans les villes. Ici, même à Trois-Rivières, il y en a là, pour empêcher les voitures de passer. Donc, c'est un peu la même chose, mais fait maison un petit peu. C'est un rappel visuel que t'as pas le droit de traverser dans l'allée des cyclistes. Et du point de vue légal, techniquement, c'est des déchets, donc on n'est pas supposé faire ça parce que c'est pas légal, mais c'est pour une bonne cause. Mais voilà. Oui, c'est ça la différence. Et voilà. On dit qu'en 2014, un tiers des morts à vélo avaient lieu à une intersection. Ah oui? Donc quand même. Et on dit aussi qu'en 2009, la ville de Wichita, Texas, a vu 58% d'augmentation de blessures donc parmi les piétons, les cyclistes et les conducteurs sur ces rues. Et grosse différence. Voilà. Voilà, c'est tout pour C'est un fait. Les liens sont sur assemblagerequis.com si ça vous intéresse. Tout est vrai là-dedans, supposément. Voilà. Presque terminé l'émission d'aujourd'hui. On a le temps pour une dernière chanson. On va se quitter. On écoute J'ai cool. À la plage. Tout court à la plage. Oui. Oups. Hey, j'ai fait pause et play en même temps. C'est cute. Félicitations. Merci. C'est un talent que j'ai. Mes doigts. C'est ça. Thank you. Plage à son âge. Qui c'est là-dessus qu'on se termine ça aujourd'hui? Oui, déjà. Ça a passé très vite malgré le manque de chroniqueurs aujourd'hui. Ben oui. C'est pas grave, ça, on survit. Demain, l'émission s'est confirmée. Justine Renaud va être là pour la chronique musico-scientifique Justine Pertine. David Ferron devrait être là pour sa chronique La carte bleachée. Donc, journée traditionnelle demain mardi, oui, entre 6h30 et 9h30. Sur nos ondes plus tard aujourd'hui, malheureusement, pas de ses full sexe. Ben non, c'est la relâche. Et pour le reste, ben, tu sais, évidemment, on peut rien dire là, pour la sortie de côte à votre gauche, aucune idée. Par contre, on sait que Rock Classique va être là parce que, je veux dire, toujours là. Hein? Exactement. Et à 20h, habituellement, Rock de Neuron devrait être là aussi pour du rock progressif. C'est vos grands classiques du lundi. C'est.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion. On se quitte avec une pièce de Michelot qu'on dédie au genre de ses full sexe. Tu souris pour lui plaire ou lui montrer les dents. C'est ça. C'est à ta guise, c'est toi qui choisis. C'est une technique de crew, c'est comme une chanson où vous êtes le héros. Pareil. Pareil. Pareil. Bref, merci Tania. Merci à toi, Mathieu Blanc. Bon café. Hey, bon café, hein? Bye. C'est clair qu'on va leur boire beaucoup aujourd'hui. Hey, pour ceux qui suivent depuis le début de l'émission, ça fait 17 degrés Celsius, 18 en milieu d'émission et 19 maintenant. Exact. Mais ça n'a pas bougé depuis une demi-heure. Non. 19 degrés, je pense que c'est demain. C'est, ouais. C'est à ça. Demain. Bye. Bye. Bon café. Je suis devant toi. Et et que le vent dans mes cheveux qui s'en mêlent te souffle loin de moi, te souffle loin de moi. Et ça prend combien d'étincelles? Thank you.